Journée spéciale consacrée au combat féministe et au rapport homme-femme sur France Culture en matière d'inégalité. Le monde de la recherche n'est pas en reste, loin s'en faut. 16 prix Nobel attribués à des femmes depuis la création de la distinction en 1901. Une seule médaille Fields de mathématiques et une quasi-absence à la tête des principales institutions scientifiques françaises. Seuls les domaines de la biologie, de la médecine et des sciences du vivant comptent plus de femmes que d'hommes. Pourquoi une telle disparité et comment y remédier ? En science, où sont les femmes ? C'est l'un des problèmes que nous allons tenter d'expliquer dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer ces questions et faire le tour de l'actualité des sciences et de la recherche, nous faisons mentir les statistiques avec une nouvelle venue et de briscardes des vendredis actus de la méthode scientifique. Bienvenue à Carole Châtelain. Bonjour. Bonjour. Vous êtes rédactrice en chef du magazine Science et Avenir. Bonjour Cécile Lestienne. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Directrice de la rédaction. Et à toutes. Directrice de la rédaction de Pour la Science. Bonjour Tania Louis. Bonjour. Créatrice de la chaîne YouTube Biologie Tout Compris. Et joyeux anniversaire donc, c'est une émission spéciale à plein d'égards. À Science et Avenir qui fête avec le numéro de novembre ses 70 ans et Pour la Science qui fête ses 40 ans, ce qui nous donnera l'occasion de nous immerger dans le passé, le présent et le futur de la recherche scientifique. Mais avant cela, elle est à l'actualité des sciences que Marie Curie est à la physique nucléaire. Zoé Sfez pour le Journal des Sciences. Bonjour Zoé. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Le Journal des Sciences. Et pour commencer, le président Emmanuel Macron a acté mercredi avant-hier le divorce entre grandes écoles et universités sur le site d'excellence de Paris-Saclay, qui était un site voulu par Nicolas Sarkozy. C'était son grand projet, rassembler les meilleures universités scientifiques françaises et les grandes écoles d'ingénieurs sur un site unique, au contact de grandes entreprises françaises comme EDF, Total, ou Air Liquide, pour créer le premier Cambridge à la française. Pourquoi pas un MIT, c'était les images qui étaient convoquées à ce moment-là, et surtout rattraper le retard de la France dans les grands classements internationaux. Mais 5 ans après son lancement, le projet s'enlise. Dans un rapport rendu en février, la Cour des comptes dénonçait le manque de volonté des grandes écoles, notamment de Polytechnique, pour s'associer aux universités. Et Emmanuel Macron a tranché donc mercredi en annonçant que le site de Saclay serait divisé en 2 pôles à 5 km d'écart. L'un baptisé New Uni, qui regroupera 4 grandes écoles d'ingénieurs autour de Polytechnique, et un second qui regroupe les universités Paris-Sud, Versailles-Saint-Quentin, Évry, l'École normale supérieure de Paris-Saclay, la centrale Supélec et l'Institut d'optique Graduate School. Chez Sylvie Retailleau, présidente de Paris Sud, on sent l'amertume, mais quand même une volonté farouche d'y croire. C'était pas une surprise, c'est quelque chose qui est une validation. Alors, qu'est-ce que j'en pense ? Je dirais que moi, personnellement, c'est un côté pragmatique des choses. On voit bien qu'il n'y a pas les mêmes visions. Si je prends Polytechnique et Paris Sud, ben, il n'y a pas la même vision. Pour autant, on a un potentiel humain et de recherche et de formation qui est énorme dans l'ensemble des partenaires aujourd'hui de cette université Paris-Saclay. Donc nous, on veut faire un projet ambitieux puisqu'il a 2 objectifs. D'une part, faire cette université au standard international et de rang mondial. Et bien sûr, l'intégration pleine de cette université dans ce cluster Paris-Saclay avec nos partenaires industriels. Hein, c'est le projet de base. Les gens déménagent, il y a eu des milliards, l'argent public a été investi. C'est notre devoir d'arriver à un projet ambitieux. Et je crois que si on arrive à réunir, et c'est ce qu'on est en train de faire, 3 universités, l'École centrale Supélec, l'ENS Paris-Saclay, l'IOGS, hein, l'Institut d'optique Graduate School, et AgroParisTech, et on espère HEC, parce qu'HEC aurait toute sa place comme étant la business school de l'Université Paris-Saclay, on a une force de frappe juste extraordinaire. En même temps, je ne veux pas donner d'opinion sur les projets, parce qu'on va s'occuper de notre projet, nous, et on va essayer de faire en sorte que ce soit la formation et la recherche et notre communauté scientifique qui s'en sortent le mieux et donc de gérer cette séparation au mieux. Voilà, il n'empêche que cette décision de scinder le plateau de Saclay en deux est vue tout de même, Zoé, comme un gigantesque échec. Gigantesque échec et clairement, disons-le, c'est Polytechnique qui est aujourd'hui pointé du doigt, accusé de vouloir faire cavalier seul en fait depuis le début, d'avoir tout fait pour qu'on en arrive à cette solution qui entérine pour certains clairement un système français à deux vitesses et de facto, on l'a entendu avec Sylvie Retailleau, une forme de concurrence possible entre ces deux pôles qui devaient à l'origine concentrer toutes les forces de la recherche française. Alors je précise que l'X n'a pas souhaité répondre à nos questions. Marie Leprêtre, elle est représentante CFDT au conseil d'administration de cet établissement, Paris-Saclay, et elle est clairement très remontée. On n'a jamais été écouté sur ce dossier, ni les personnels, ni les enseignants, ni les chercheurs et encore moins les étudiants. La crainte qu'on peut avoir, c'est d'entériner effectivement un système à deux vitesses. C'est quand on le regarde de près, on se dit voilà, il y aura deux pôles différents, un très bon et puis un peu moins bon. C'est d'ailleurs pas comment il faut les qualifier, ils savent pas les qualifier eux-mêmes. Mais ça, on le savait dès le départ en fait. C'est un jeu de rôle qu'a joué Polytechnique quand même depuis le début. Donc si c'est ça, maintenant il faut faire le pari de l'intelligence avec un certain nombre de conditions, de ne pas faire deux sortes de licences, on dirait une licence pauvre et une licence d'excellence. Donner de la visibilité à un parcours d'excellence, on n'est pas contre. Par contre, il ne faut pas que ça relègue le reste. Alors ça passe évidemment par des moyens financiers qui doivent être équitables entre les deux pôles, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. Ça doit aussi passer par des certifications avec un label Paris-Saclay dans les deux pôles. Et il faut surtout, à partir d'aujourd'hui, qu'on commence à écouter un tout petit peu les enseignants, les chercheurs et les étudiants. Voilà, en bref, c'est une femme, la biologiste et généticienne Anne Perroche, qui prend cette semaine la direction du CNRS, mais par intérim, Zoé. Elle avait déjà été nommée directrice générale déléguée à la science du CNRS par Alain Fuchs en 2016, et elle a donc été désignée par celui-ci pour lui succéder à la présidence de l'institution, qu'il quitte, je le rappelle, pour prendre la tête de Paris Sciences et Lettres. Le processus de sélection de son successeur officiel va commencer le mois prochain, justement, et ce processus peut durer plusieurs mois. Voilà, on sait qu'Anne Perroche sera candidate à ce poste, et puis on va reparler dans quelques minutes, dans le cadre de cette journée spéciale sur France Culture, sur les rapports hommes-femmes, et bien de la place des femmes dans les grandes institutions scientifiques, à la tête des grandes institutions scientifiques. On va voir que ça n'est pas très très brillant. En revanche, et bien à l'Institut Pasteur, c'est un homme qui succède à un homme. C'est le professeur Stuart Cole qui a été directeur général de cet institut. Il est actuellement à la tête de l'Institut de Recherche en Infectiologie, l'École Polytechnique de Lausanne. Je rappelle qu'une seule femme a été nommée à la tête de cette institution, l'Institut Pasteur. Depuis sa création, c'était Alice Dautry en poste de 2005 à 2013. Voilà une proposition originale cette semaine dans l'édito de la revue Nature. Pour endiguer la course à la publication, au publisher périche, eh bien il faudrait limiter le nombre de mots qu'un chercheur peut publier au cours de sa vie. Et oui, enrayer cette course folle à la publication qui notamment privilégie la multiplication d'auteurs fantômes, de plagiat, d'éditeurs prédateurs, etc. Et donc Brian C. Martinson, il est spécialiste de l'intégrité scientifique, c'est beau, il propose que chaque chercheur dispose d'un quota maximum de mots publiables au cours de sa vie. Une proposition qu'il a empruntée d'ailleurs à un auteur de fiction australien qui avait proposé la même chose pour les romans. Ça permettrait en tout cas en matière de science de mettre fin à des signatures intempestives d'articles qu'on n'a pas vraiment ni lus ni sur lesquels on a travaillé et encouragerait par ailleurs la concision. La thèse de Stephen Hawking est disponible en accès libre sur le site de Cambridge. Rédigée à la machine à écrire en 1966, cette thèse intitulée « Les propriétés de l'univers en expansion » a fait sauter tout simplement le site de l'institution britannique où on peut théoriquement, mais faut du courage, la télécharger pendant toute cette semaine qui est, je le rappelle, l'Open Access Week. Ou du courage ou une bonne connaissance en astrophysique. Deuxième sujet cette semaine, une première étude à grande échelle sur la pigmentation de la peau des Africains. Une étude qui met à mal non seulement la notion de race, mais qui a aussi identifié 6 gènes impliqués dans la couleur de la peau. Et cette étude de l'université de Pennsylvanie, publiée dans la revue Nature, vient combler une lacune assez coupable dans notre connaissance des facteurs génétiques à l'origine de la pigmentation de la peau, puisqu'en effet, toutes les études jusqu'ici se concentraient sur les populations européennes. Et l'équipe, menée par la généticienne Sarah Tichkoff, a elle mené le vrai premier travail de terrain sur la question, en mesurant la réflectance de la peau de plus de 2000 Africains, en étudiant le génome de 1600 individus dans plus de 12 régions du continent. Et l'étude a donc identifié 6 gènes, dont les variantes sont responsables à 30% de la pigmentation de la peau chez un individu. Ce qui est beaucoup pour un gène complexe, pour un trait complexe comme la couleur de la peau. Plus important encore, explique Sarah Tichkoff, les variantes associées aux peaux claires sont bien nées en Afrique. Des 6 gènes que nous avons identifiés comme impliqués dans la pigmentation, celui qui est le plus souvent associé est le gène SLC24A5. Nous avions déjà observé une mutation de ce gène chez les populations européennes à la peau claire. Mais dans cette étude, nous avons démontré que si cette mutation du gène est bien née en Europe, elle a ensuite été réintroduite sur le continent africain par des populations qui ont migré à nouveau, plus précisément en Afrique de l'Est, probablement il y a plus de 5000 ans. Aujourd'hui, on la retrouve à un taux très haut dans la région. Nous avons identifié plus de 18 variantes relatives à 5 autres gènes, et ce qui est passionnant, c'est que dans la moitié des cas, les variantes les plus anciennes de ces gènes en Afrique sont associées à des peaux claires. C'est cohérent puisqu'on sait que l'espèce la plus proche de nous génétiquement est le chimpanzé, dont la peau est blanche. Mais il était communément admis jusqu'ici que la peau de l'homme, blanche au départ, était devenue de plus en plus sombre au cours de l'évolution pour se protéger des rayons UV auxquels il a été de plus en plus exposé en quittant les forêts et en perdant ses poils. Or, ce que nous montrons avec cette étude aujourd'hui, c'est que les peaux claires et les peaux sombres ont continué d'évoluer au cours du temps, aussi bien en Europe qu'en Afrique, et que la plupart des variantes qui sont responsables des peaux claires en Europe et hors d'Afrique viennent en fait d'Afrique. Cela change donc totalement la perspective très linéaire que nous avions jusqu'ici de l'évolution de la couleur de peau chez les humains. En bref, à nouveau, l'origine génétique des troubles obsessionnels compulsifs a été identifiée. 4 gènes seraient impliqués dans le développement des TOC, caractérisés, je vous le rappelle, par un sentiment d'angoisse, et tous s'expriment dans le circuit cérébral qui relie le striatum, le cortex et le thalamus. L'un intervient notamment dans la régulation de sérotonine, ce qui explique d'ailleurs le rôle positif de certains antidépresseurs chez certains patients atteints de TOC. Voilà, si la thèse de Stephen Hawking était donnée accessible gratuitement, en revanche, la note d'Albert Einstein sur la recette du bonheur a été vendue à un prix relativement élevé, Zoé. Oui, cette petite note, elle date de 1922. À ce moment-là, Einstein sait qu'il va remporter le prix Nobel. Il est heureux, il est à l'hôtel et il est à court de monnaie. Et un jeune groom qui attend son pourboire, il griffonne une phrase. Une vie tranquille et modeste apporte plus de joie que la recherche du succès, qui implique une agitation permanente. Il lui explique d'ailleurs que cette phrase peut-être un jour vaudra quelque chose. Eh bien, le bout de papier s'est vendu 1 100 000 euros à Tokyo, c'était mardi. Et pour conclure, comme chaque semaine, par notre rubrique de science improbable, eh bien, nous allons vous parler d'une étude qui remet les choses à leur place. Non, Zoé, le cerveau des femmes ne s'éteint pas pendant l'orgasme. Et nous devons saluer aujourd'hui le travail merveilleux de Nanwise, neurologue du New Jersey, qui a mené l'étude la plus approfondie qu'on ait jusque-là sur ce qui se passe dans un cerveau lorsqu'une femme est en plein orgasme. La première réalisée grâce à l'imagerie médicale. Une entreprise longue et difficile, puisque évidemment, il est assez dur de parvenir à jouir dans le tube étroit et froid de l'IRM. Ils ont réussi à le faire, et plusieurs fois. Mais le résultat est là, puisque l'équipe est parvenue à contredire la thèse selon laquelle l'activité cérébrale de plusieurs zones du cerveau des femmes tombait au plus bas pendant l'orgasme. Autrement dit qu'il fallait que la femme éteigne son cerveau pour pouvoir véritablement jouir. Mais pas du tout, au contraire, nous dit Nanwise, les zones cérébrales liées au mouvement, à la mémoire et aux émotions sont de plus en plus actives jusqu'au climax de l'orgasme. Il confirme en revanche que les femmes sont beaucoup moins sensibles à la douleur, 75% moins sensibles au moment où elles jouissent. C'est une belle nouvelle qui, je suis sûre, vous aidera à commencer le week-end. Et surtout pour enchaîner avec facilité et brio sur le débat sur la place des sciences dans la femme. Merci beaucoup Zoé, à la semaine prochaine. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Nous allons donc parler pendant cette première partie de l'émission de la place des femmes dans la science et on va voir que cette place occupée par les femmes dans la science est assez problématique. Peut-être une réaction pour commencer, on a entendu justement dans le journal des sciences la nomination d'une femme à la tête du CNRS, alors c'est par intérim, Anne Perroche, alors qui devrait, hein, a priori on n'a pas d'informations définitives à ce sujet, mais déposer une candidature pour néanmoins prendre la relève officielle d'Alain Fuchs. Quand on jette un œil au tableau des grandes institutions scientifiques françaises, il n'y a vraiment pas beaucoup de femmes, Cécile Lestienne. Oui, je crois qu'il y a les femmes à la tête de 2 universités. On a une ministre. On a une ministre. Alors, même. On a une ministre. Il faut le souligner. Scientifique. Et ce n'est pas la première. Frédéric Vidal, qui est biochimiste spécialisé en génétique moléculaire. À la tête de ce ministère ou de ce secrétariat d'État selon les gouvernements. Donc ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Mais oui, enfin, c'est la science est dans la société. Donc comme dans la société, dans plein d'autres domaines, les femmes ont beaucoup de mal à obtenir des postes de responsabilité, de hauts postes de responsabilité. Là on a fait la liste pour préparer l'émission. INSERM, Yves Lévy, à l'ANR, c'est Michael Matelos, l'INRIA, Antoine Petit, l'IFREMER, François Jacques, l'Institut Curie, Pierre Fumelot. On vient d'entendre qu'à l'Institut Pasteur, c'est un homme qui a succédé à Christian Bréchot, Stuart Cole, au CNES, Jean-Yves Le Gall, à l'INRA, Philippe Mouguin, au CEA, Daniel Ververde. Bref. Carole Châtelain, là, pour le coup, la parité, c'est compliqué. C'est compliqué, mais déjà, une bonne nouvelle, c'est que désormais, on le remarque. Donc, ça, il faut le souligner, parce qu'il y a quelques années, pas si longtemps, ce serait passé comme une lettre à la poste. Aujourd'hui, on fait des émissions pour... Enfin, vous faites une journée spéciale et c'est parfait pour l'exprimer. Mais c'est, comme le disait Cécile, c'est le reflet de notre société. 27% des femmes sont des chercheuses aujourd'hui. Enfin, on a 27% de femmes chercheuses plutôt en France aujourd'hui. C'est bien moins qu'en Europe, puisqu'en Europe, elles sont 33%. Mes souvenirs sont exacts. Donc, voilà, c'est évident qu'à la tête des institutions, on retrouve cette différence-là. Et bon, voilà, désormais, il faut lutter contre. Cécile ? Oui, il y a à peu près effectivement un tiers de femmes chercheuses en Europe, enfin un peu moins en France qu'en Europe, 29%. Alors, moi, j'ai des chiffres qui sont un peu plus vastes que l'Europe, qui prennent en compte la France, l'Allemagne, l'Espagne, la Grande-Bretagne, les États-Unis, le Japon, la Chine. Et on arrive à 29% de carrières scientifiques. Donc, on est de toute façon aux alentours d'un tiers. Oui. Mmh. Pour 43% de femmes chez les thésards. Donc il y a une grosse déperdition quand même là, tout d'un coup, qui est à souligner. Oui, Tania. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vécu pendant mes études parce que je suis biologiste. Et du coup, au départ, en premier cycle universitaire, il y avait une majorité de femmes. Et c'est assez frappant comme au fur et à mesure qu'on grimpe les échelons universitaires puis hiérarchiques, la proportion s'amenuise à vue d'œil. Mais oui, et d'ailleurs, je voulais souligner que nous avons réalisé à Sciences et Avenir un sondage tout à fait récent lors d'un colloque que nous avons donné à la Cité des Sciences à Paris, un sondage Ipsos, et les chiffres sont hallucinants. Nous avons nous-mêmes été extrêmement surpris par les résultats, puisqu'on constate que dans l'esprit des Français, 73% des gens pensent que les femmes ont encore des difficultés à faire de la science. Alors que les mêmes données montrent que les femmes sont plus nombreuses et meilleures en maths, mais c'est ensuite elles s'auto-censurent en quelque sorte. Ces stéréotypes de genre sont ancrés très rapidement, je crois, chez les enfants, hein, parce qu'il y a une étude très célèbre qu'on cite tout le temps, qui date de 2007, sur des enfants de 6e, 5e, à peu près, on leur donne le même exercice, on leur dit, une fois c'est de la géométrie, une fois c'est du dessin, et bien devinez quoi ? Et bien si on dit que c'est de la géométrie, les garçons réussissent mieux, si on leur dit que c'est du dessin, les filles réussissent mieux. Donc c'est déjà des stéréotypes très ancrés très tôt. Sur cette étude, il y a quelque chose d'assez... on va vous mettre le lien sur le fil Twitter, hein, qui est assez criant, sur donc la disparité pour les carrières scientifiques. Quand on est au lycée, on a 51% de garçons, 49% de filles. Et voyez, je vous montre. Hein. C'est-à-dire que plus on avance dans le cursus, et plus l'écart se creuse pour arriver au prix Nobel, qui est donc ce qu'ils appellent le career achievement, c'est-à-dire vraiment le succès de carrière, où 97% d'hommes et 3% de femmes. Il y a vraiment un gap qui se crée, effectivement, comme Tania le notait, au fur et à mesure de l'accession, de l'évolution dans une carrière scientifique. Oui, et ça commence effectivement dès l'enfance, puisque si vous prenez les chiffres de la Cité des Sciences à Paris, dont je parlais tout à l'heure, quand on regarde les enfants qui viennent en visite à la Cité des Sciences, ceux qui viennent pour la deuxième fois, c'est une majorité de garçons. C'est comme si les filles venaient une fois et puis c'est plus la peine, on leur propose pas d'y retourner, tandis que les garçons, eux, quand on en cherche une idée d'occupation, on les emmène à la Cité des Sciences. Ça commence déjà à cet âge-là. Pour rester un peu sur les grandes institutions scientifiques, on imagine que le public devrait avoir un rôle exemplaire, un rôle modèle. Or, paradoxalement, dans le privé, il y a moins ce type de disparité ou de disparité moins flagrante. On trouve plus facilement des femmes à la tête de grandes entreprises de biotechnologie ou scientifiques. Pas tout à fait, Célestienne, vous n'êtes pas d'accord ? Je ne sais plus, mais je crois qu'il y a une seule femme, non, qui dirige une entreprise du CAC 40. Ah, sur les entreprises du CAC 40, mais je parle dans le domaine scientifique et des nouvelles technologies. Alors ça, je ne sais pas, parce que je n'ai pas les chiffres en tête, donc je ne voudrais pas dire de bêtises, mais c'est vrai que si on veut que ça change, et comme le disait Carole tout à l'heure, c'est déjà très bien qu'on s'en aperçoive, je pense que ça posait de problème à personne avant. C'est aussi pour ça d'ailleurs qu'il n'y a que 3% de femmes dans les Nobel. Le Nobel a une longue carrière, ça date de 1901, comme vous le répétiez, et bon, il n'y avait pas beaucoup de femmes. Et une seule médaille Fields, il y a quelques années à peine, c'était en 2012, je crois. Oui, et les Nobel de cette année ont encore brillé par... Et ceux de l'année dernière. L'année dernière, il y avait une femme quand même dans les chambres. Donc, Donc voilà, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Il faut avoir une politique très incitative. Et dans le public, il y a quand même... Bon, il se trouve que pour l'instant, effectivement, il n'y a pas de femmes à la tête vraiment de ces grandes institutions. Mais dans le public en général, pas que dans les sciences, il y a eu des mesures prises ces dernières années pour donner des quotas de femmes à certains niveaux de cadre de l'administration. Et il faut espérer que ça va changer. Caroline Châtelain. Mais on peut même poursuivre la réflexion sur un autre plan, c'est-à-dire que l'absence des femmes ou le regard que l'on porte sur les femmes en sciences va jusqu'à nous interroger, les journalistes scientifiques, sur qui fait les études. Tout à l'heure, on entendait lors de votre journal scientifique cette étude sur l'orgasme des femmes qui n'éteindrait pas le cerveau des femmes. Non, il fallait déjà avoir pensé que le cerveau des femmes, comme si les femmes ne pouvaient pas avoir de raison, hein, forcément. La femme, lorsqu'elle s'exprime, elle éteint sa raison. Elle devient, vous connaissez bien l'histoire de l'hystérie chez les femmes. Donc, nous, notre travail déjà dans les journaux scientifiques, c'est à chaque fois qu'une étude nous est présentée qui fait une différenciation homme-femme, c'est toujours de se dire qui parle et d'où parle-t-il. Et ça nous avait conduit il y a quelques années, en 2012, à Science et Avenir, à faire une couverture spéciale sur la différence supposée entre les hommes et les femmes. C'était la science face aux idées reçues. Et on avait pu quand même en faire des dizaines de pages d'études complètement farfelues qui sont reprises sans vérification. Et ça dure. On entend encore aujourd'hui des aberrations qui sont... Parce que les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Mais on avait même parlé autour de cette table, je me souviens, d'un possible biais dans un certain nombre d'études de laboratoire, d'études de médicaments, parce que la plupart des tests, des essais cliniques de phase 3 étaient réalisés chez l'homme. Et on se rendait compte que les femmes ne réagissaient pas de la même façon et qu'il y avait un problème de dissymétrie et donc avec des conséquences d'effets secondaires importants dans les études de laboratoire. Tania, vous vous souvenez de ces études? Oui, mais c'était assez frappant. Bon, après, il y a beaucoup de biais dans les études en termes de médicaments, parce qu'il y a beaucoup de populations qui ne sont pas prises en compte. Mais oui, il y a eu plusieurs études convergentes qui ont montré qu'il y avait beaucoup plus de tests réalisés chez des hommes par des hommes et qu'il y avait notamment historiquement l'adaptation des doses qui étaient faites à partir d'études menées sur des hommes, alors qu'il y a quand même des différences de morphologie, etc., qui font que les doses ne sont pas forcément adaptées pour les deux sexes biologiques, on va dire. Ou les symptômes, hein. Rappelons que, ne serait-ce que pour l'infarctus, les femmes ne présentent pas du tout les mêmes symptômes que les hommes, et on s'en est rendu compte il y a très peu de temps. Elles n'ont pas du tout cette douleur au bras gauche si caractéristique que l'on a à l'esprit. Donc voilà, il serait temps de savoir que 50% de la population mondiale... Un peu plus, 51%. 50% et des pros. Néanmoins, il y a autre chose qu'il faut pointer, parce que vous en parliez, Tania, il y a aussi une grande disparité dans les domaines de recherche. C'est vrai que quand on regarde, on va là aussi vous mettre le schéma sur le fil Twitter, quand on regarde la répartition des domaines de recherche, il y a un domaine où il y a un peu plus de femmes que d'hommes, c'est la médecine, la biologie et les sciences du vivant. Et alors, quand on passe, pour le coup, à la recherche fondamentale, aux sciences expérimentales et aux sciences théoriques, là, pour le coup, on passe à 73-27. Je ne vais pas vous demander comment l'expliquer, mais on sent la persistance de dire on est dans les sciences du vivant, donc voilà, vous faites la contiguïté, les femmes, les sciences du vivant, la vie, tout ça, etc. Caroline Châtelain. Mais tout à fait, le sondage dont je parlais tout à l'heure que nous avons réalisé au mois d'octobre le montre à nouveau, puisque 69% des Français pensent que les femmes sont plus intuitives. Résultat, elles sont moins capables d'abstraction. Donc elles sont moins dans les domaines où on est censé avoir davantage besoin dans les mathématiques. Donc, la physique. On l'a déjà dit à ce micro, mais on renvoie aussi une image aux filles très dévalorisante, puisque il n'y a eu que deux femmes qui ont eu le prix Nobel de physique. Il y en a quand même plus qui en a eu le prix Nobel de médecine, de physiologie. Oui, puis je pense qu'il y a un biais au moment clé de l'orientation, c'est-à-dire en fin de lycée, où chacun a des biais implicites, y compris les personnes qui donnent des conseils aux jeunes sur leur orientation. Et du coup, de façon involontaire, les filles sont plus orientées vers certaines disciplines que les autres. Et Caroline Châtelain, vous évoquiez les sondages que vous aviez effectués avec Ipsos. Il y a un autre sondage qui a été effectué par la Fondation L'Oréal, qui remet chaque année, d'ailleurs, les prix ont été remis il y a peu de temps, il me semble, qui remet chaque année des prix aux femmes scientifiques pour leurs travaux de recherche. Un sondage qui interroge à 50% hommes, 50% femmes, et sort de ce sondage que 67% des personnes interrogées, des scientifiques interrogés, estiment que les femmes n'ont pas les capacités requises pour accéder à des postes scientifiques de haut niveau. Alors, je voulais justement, pour lutter contre tout ça, je voulais juste citer un projet européen de recherche qui s'appelle le projet Hypatia, dans lequel sont engagées une vingtaine d'institutions à travers l'Europe et qui, justement, par le biais de sites internet, par le biais d'actions menées dans ces grandes institutions, essayent justement de montrer aux filles quelles sont toutes leurs places à occuper dans la recherche. C'est un travail de longue haleine, mais je pense que les signaux sont plutôt passés, sinon au vert, du moins à l'orange. À l'orange. Voilà. Il y a une autre, et ce sera la dernière étude que je sortirai de mon chapeau aujourd'hui, mais qui est une étude assez surprenante. C'est là, pour le coup, une étude sur les signatures de publications scientifiques, qui a été publiée dans Nature, qui date de 2013, et qui montre une très forte disparité en fonction des pays. Et figurez-vous que les rares pays où l'auteur principal est une femme sont le Turkménistan en tête, et ensuite on trouve la Macédoine, le Sri Lanka, la Lettonie, l'Ukraine et la Bosnie-Herzégovine. Je sais pas quoi faire de cette étude. Je veux dire que ça m'a laissé un peu sans voix, Cécile Lestienne. Je ne saurais pas quoi dire non plus, mais je vais parler de mon expérience. Donc, c'était pas du tout une étude, c'est juste un ressenti. Donc, ça n'a qu'une valeur de ressenti. Mais dans Pour la Science, nous faisons beaucoup signer les chercheurs. Ce sont des papiers que nous écrivons avec les chercheurs. Et nous avons plus de mal à faire écrire des femmes que des hommes. Parce qu'elles se sentent illégitimes. Absolument, ou parce que il y a deux objections, le temps. Alors voilà, est-ce que la charge mentale passe plus sur les femmes, le mur maternel, comme on dit, à la place du mur de verre. Et puis effectivement, souvent des problèmes d'illégitimité. Pourquoi moi et pas quelqu'un d'autre? Mais il m'a été répondu à cette question. Tout à fait dernièrement, justement, les femmes avaient plus de mal, effectivement, à nous répondre, à venir dans nos magazines, parce qu'elles sont sursollicitées, les femmes chercheuses, et que elles ont leur travail à faire aussi. Et notamment, c'est une réponse qui m'a été faite de la part de l'INRIA. Me disait mais nos chercheuses crient grâce en quelque sorte. J'ai une amie informaticienne qui me confirmait ça. Non, mais ce qui est exactement ce que nous rencontrons ici aussi, quand on veille à essayer de respecter au plus le mieux possible la parité, et de facto c'est très compliqué, et de facto la balance penche à deux tiers, un tiers, même avec les efforts volontaires de mettre autour du micro autant de femmes que d'hommes. Cécile Lestienne. Oui, c'est pour ça que c'est un travail de longue haleine. Effectivement, l'INRIA aussi, ils m'ont dit que les femmes chercheuses se plaignaient parce qu'ils essaient de faire des instances paritaires partout dans l'institut, mais du coup, comme les femmes chercheuses sont beaucoup en moins grand nombre à l'INRIA, elles sont totalement débordées juste par ces commissions, elles ne peuvent plus travailler. Donc c'est vrai que c'est un souci, mais petit à petit, ça va changer. Dans nos journaux, nous, on fait tout pour essayer de les mettre en avant, sinon les mettre en avant, de montrer que la science est aussi faite par des femmes. Bien et sûr. Y aller trouver. Alors maintenant que ce constat est posé, la question c'est à quels endroits agir pour casser cet ordre des choses? Est-ce qu'il faut agir par le sommet? Est-ce qu'il faut agir par la base? Est-ce qu'il faut agir par l'éducation? Est-ce qu'il faut agir par l'exemplarité des pouvoirs publics, Cécile Lestienne? Je crois qu'il faut utiliser toutes les mesures possibles. Une seule ne se fera certainement pas. Et je pense que, mais tous ces travaux sur les stéréotypes de genre, par exemple, le fait qu'on en prenne conscience et qu'on en parle aux jeunes, je pense que ça peut aussi finir par beaucoup jouer. Je vais sortir quand même une autre étude. Ce n'était pas dans les sciences, c'était dans le commerce. Mais c'est absolument la même chose. Je pense que c'est l'école de commerce de Reims ou de Strasbourg, je ne sais plus, qui avait fait une étude et qui demandait aux élèves qui sortaient de la promotion quel salaire ils demandaient. Eh bien, les femmes demandent un moindre salaire que les hommes. Incroyable. Voilà. Alors qu'ils ont exactement le même diplôme et la même expérience à ce niveau-là. Donc voilà. Donc, ils ont fait un cours exprès sur les stéréotypes de genre et pourquoi et comment il fallait se présenter. Et je pense que des initiatives comme ça sont vraiment intéressantes. Et puis aussi, je crois qu'il faut avoir des politiques très incitatives et mettre des quotas parfois. Des quotas, vous pensez, Carole Chatelain, que c'est nécessaire aujourd'hui? Là, je parle en mon nom. Je pense que c'est effectivement quelque chose qui est tout à fait favorable. Moi, ce qui me frappe aussi, c'est que cette émission que vous faites aujourd'hui a lieu quasiment le jour où dans un autre domaine, l'Académie française vient de se déclarer en danger, la langue française en danger mortel, sous prétexte que l'écriture inclusive pourrait être donc fatale à notre langue. C'est typique de ces réactions rétrogrades, je dis le mot. qui sont des freins à l'existence des femmes, à la visibilité des femmes dans beaucoup de domaines. Donc je pense qu'il faut vraiment agir, comme l'a dit Cécile, au niveau de l'éducation, au niveau des institutions, et en parler vraiment, en faire un vrai thème pour que les choses bougent enfin. Peut-être, alors on a tendance à penser naturellement que la tendance va en s'inversant, qu'il y a de plus en plus de places, etc. Malheureusement, les chiffres disent plutôt l'inverse. Hein. C'est-à-dire que les chiffres disent qu'en Europe, la situation stagne, qu'aux États-Unis, au contraire, même, elle recule légèrement depuis 10 ans. À l'université, Tania, est-ce qu'il y a justement quelque chose à faire? Ou en tout cas, pour prendre un domaine où on est à peu près à parité, où il y a même un peu plus de femmes, en tout cas pour faire en sorte que les postes à responsabilité soient occupés dans la même proportion que la proportion de chercheuses et de chercheurs dans les sciences du vivant. Ce qui est compliqué avec les postes à responsabilité, c'est qu'en général, ils incombent aux personnes plus expérimentées, donc plus âgées, donc le biais générationnel, c'est-à-dire que les choses changent maintenant, mais pour les personnes qui ont 20 ans d'expérience, elles reflètent l'état des embauches il y a 20 ans. Donc c'est qu'à moitié surprenant qu'on ait une répercussion sur les postes à responsabilité. Et je serais vraiment curieuse de savoir ce que donneront les postes à responsabilité dans 15 ans. Parce que là, maintenant, les gens qui sont embauchés le sont dans ce contexte où on a conscience du manque de femmes. Est-ce que ça va se répercuter ou non? Je touche du bois, hein, mais je pense que c'est pas une excuse pour ne pas continuer à faire d'efforts. Mais je pense qu'il y aura quand même une petite répercussion sur le changement générationnel. Cécile Estienne, sur l'université à proprement parler, ou sur l'enseignement, sur l'école, peut-être, parce qu'il y a effectivement toujours cette vieille idée reçue qui traîne, comme quoi c'est les garçons qui sont forts en mathématiques au lycée, alors que c'est totalement faux quand on regarde un peu plus tôt, dès le collège à l'école primaire. Est-ce qu'on peut faire quelque chose dès ces étapes de l'éducation et de l'enfance pour changer ces... Moi, à titre personnel, j'avais beaucoup regretté qu'on renonce aux ABC de l'égalité. Donc, je pense que c'était vraiment dommage. Pour l'étude que je citais tout à l'heure, géométrie, dessin, pour la même, le même exercice, donc les filles réussissent mieux en dessin. Quand on leur dit que c'est du dessin, et ce qui est assez étonnant, c'est que d'ailleurs dans les écoles d'art, après, vous retrouvez à peu près moitié-moitié, un peu plus de filles, mais vous retrouvez exactement la même chose. C'est un autre domaine, beaucoup moins de femmes qui réussissent dans le monde de l'art contemporain. Donc, si on ne le prend pas dès le départ, mais comme disait Tania tout à l'heure, ça va prendre du temps, et on peut espérer que les bonnes graines soient germées aujourd'hui. Sont bien plantés aujourd'hui. Je pense qu'il y a une chose qu'on pourrait faire et pour laquelle on peut tous œuvrer dès aujourd'hui, c'est de donner des modèles aux jeunes filles qui soient aussi des modèles féminins. Nous, c'est un biais qu'on voit beaucoup dans le milieu du YouTube, vulgarisation scientifique. C'est que le public est majoritairement masculin et regarde majoritairement des chaînes masculines. Alors il y a sans doute plein de raisons qui peuvent l'expliquer, mais un des facteurs qui joue sans doute, c'est qu'inconsciemment, on associe le rôle d'expert aux personnes de genre masculin. Et ça, c'est quelque chose sur laquelle on peut travailler tout de suite en proposant des modèles féminins, y compris en sciences dures, y compris dans des disciplines comme les mathématiques qui sont très peu féminisées. Claire Voisin, qui a eu la médaille d'or du CNRS l'année dernière, que nous avions reçue. On peut saluer d'autres initiatives comme les expertes qui proposent aux médias justement des femmes spécialistes et qui permettent justement, qui éditent un petit guide à destination des médias pour aider justement à cette visite-là. On peut aussi, et j'ai oublié de la citer, parler de Pascal Cossard, qui est même secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, qui n'est pas rien. Un dernier mot, peut-être, Carole Châtelain, sur au plus haut niveau de l'État, est-ce que l'État doit imposer aux grandes institutions scientifiques une forme de parité? Est-ce que l'État doit mettre la main dans les processus de nomination, ce qui est toujours un peu le cas, mais jamais totalement officiellement, pour forcer à ce que la liste que je donnais en début d'émission se féminise à marche forcée? C'est très controversé. Là, mon opinion serait de dire oui. Moi, je suis assez partisane de ces politiques volontaristes. Mais nous verrons, je pense effectivement que la jeune génération ne sera pas face aux mêmes problématiques que celles auxquelles nous devons faire face aujourd'hui. L'égalité, quand même, en marche, à mon sens. Il y a beaucoup d'associations, comme vous l'avez dit, qui travaillent. On va citer l'association des femmes et la science. On peut citer aussi, du côté des journalistes, aussi une association qui s'appelle Prenons la Une, qui met le doigt sur le fait qu'effectivement les femmes sont absentes, mais pas uniquement dans le domaine de la science. Vous lisez un journal, vous avez beaucoup plus d'hommes qui s'expriment que de femmes, parce que la parole féminine n'est pas neutre. Quand un homme s'exprime, c'est neutre. Quand une femme s'exprime, elle y met forcément ses sentiments, elle y met forcément... Donc voilà, on préfère des experts masculins pour parler de sujets graves. Donc je pense que tout ça va finir par quand même avancer, mais effectivement des bons coups de pouce et des quotas... Bord de pied. C'est, bon, voilà, vous avez, voilà, j'appelle ça des coups de pouce, ce serait les bienvenus. Il faut un bon coup de pied aussi de la part de l'État pour forcer un peu, pour forcer la main à la tête des institutions scientifiques, Cécile ? Oui, mais pas qu'à la tête, ça va, parce que sinon ça va devenir un alibi. Je pense qu'il faut une parité, ou une quasi-parité, en tout cas à tous les niveaux. C'est ça qui serait intéressant. La méthode scientifique, Nicolas Martin. The Woman's World, c'est ce qu'on souhaite donc au milieu de la recherche académique et de la recherche scientifique. Nelly Chéri sur France Culture à 16h36. On va reprendre le fil de notre table ronde de l'actu des sciences et de la recherche, mais une table ronde encore un peu particulière puisque c'est une table ronde d'anniversaire. Un double anniversaire, alors on n'a pas prévu les gâteaux, les bougies, dommage. En plus 70 plus 40 bougies, ça fait quand même beaucoup, on aurait mis le feu au studio, ce qui aurait fait un peu désordre. Science et Avenir fête ses 70 ans, pour la science fête ses 40 ans, avec pour l'occasion deux numéros spéciaux en kiosque, les 70 découvertes qui ont changé la vie pour Science et Avenir, 40 ans de découvertes pour la science, le tout porté par de grands noms de la science qui se sont improvisés rédacteurs en chef, des hommes et des femmes, primauté aux plus jeunes, c'est celle des siennes dans notre société, qui ne fait que promouvoir le jeunisme. Comment est-ce qu'on raconte 40 ans de recherche scientifique en 122 pages ? Ah, c'est très difficile, il faut faire des choix drastiques. Nous avons effectivement oublié, entre guillemets, beaucoup de choses dont on aurait aussi aimé parler. Mais c'était rien que la mise en place de ce numéro était assez intéressante pour nous, de nous pencher sur les 40 dernières années et de se rendre compte qu'effectivement, il y a 40 ans, voilà, il n'y avait pas de web, on n'avait pas de téléphone portable, l'épidémie du sida existait mais on ne le savait pas, le réchauffement climatique n'était pas du tout un sujet médiatique, ni le microbiote, l'intestin était resté un organe absolument discret, la révolution des neurosciences, parce qu'il n'y avait pas d'imagerie suffisante, on n'avait découvert aucune exoplanète, aujourd'hui on en connaît 4000, c'est assez incroyable, donc, voilà. Donc rien que de se pencher là-dessus était assez... était assez jouissif, on peut le dire d'ailleurs, pour des journalistes de se brancher là-dessus. Et puis donc, nous avons demandé à différents chercheurs de nous raconter les découvertes que nous avions choisies, pour les mettre en perspective, parce qu'effectivement, une découverte en soi, tout seul, ça dit en général pas grand-chose. C'est souvent une étape clé d'un long cheminement et qui n'est pas terminé, puisque effectivement, il y a encore plein de choses à découvrir, plein de choses à vivre. Et alors vous avez fait 40 ans en 122 pages, Carole Châtelain, vous avez fait 70 ans en 130. Voilà, avec les mêmes difficultés que nous avons rencontrées dans la sélection. Alors nous avons eu l'idée aussi de proposer à nos lecteurs déjà un fac-similé de notre numéro 1, mm-hmm. hein, qui date donc de 1947, ça ne rajeunit personne. Titré L'énergie atomique dans les étoiles. Voilà, et aussi nous avons balayé 70 ans de couverture de Science et Avenir, et puis aussi d'insolite, parce qu'on a voulu aussi que ce soit amusant, donc on a retrouvé quelques pépites, comme par exemple apprendre à nager dans l'espace. C'était une préoccupation au début de la conquête spatiale. Mmh. Comment est-ce qu'on allait se déplacer dans l'espace? Des fusées pour relier Paris et New York. Et bien Elon Musk est en train de repenser. Donc on a essayé de mixer le fond, le dur en quelque sorte, de ce que Cécile a évidemment. Enfin, on espère qu'on a les mêmes découvertes. Vous avez quelques trucs en commun, mais tout n'est pas. C'est deux approches assez différentes. Mais on a voulu aussi montrer que tout ça était aussi, il y avait aussi beaucoup d'amusement, parce que la science, ce n'est pas que des choses très sérieuses. Voilà, on a voulu aussi que nos lecteurs revisitent ces années avec le sourire. Alors, en 70 ou en 40 ans, la grande question, quand on parle de l'accélération de la science, on en a souvent parlé autour de cette table, c'est de dire, est-ce que finalement ce qu'a vécu l'évolution de la recherche scientifique en 70 ans, ou en tout cas, disons, en un demi-siècle, plus ou moins, est-ce que c'est une vraie révolution, une accélération théorique, ou est-ce qu'on est juste face à une accélération technique, Cécile ? Moi, je pense que les deux sont liés. Mmh. Et notamment, l'accélération technique permet l'accélération théorique. Mmh. C'est aussi parce qu'aujourd'hui, on peut jouer avec les big data, qu'on découvre des choses. C'est aussi qu'on peut faire du séquençage à haute dose et faire de nouvelles découvertes dans le domaine de la médecine. Enfin, c'est intrinsèquement lié, je pense. Oui, Carole ? Oui, en fait, nous avons mené cette réflexion. Nous avons 5 rédacteurs en chef invités. Je les cite très rapidement. Nous avons Hubert Rive, nous avons Yves Coppens, nous avons la philosophe Cynthia Fleury, qui est une spécialiste d'éthique. Nous avons la paléoclimatologue Valérie Masson-Delmotte, qui est une experte internationale du climat. Mmh. Et nous avons le jeune philosophe Michael Fessel, qui est professeur à Polytechnique. Mmh. Hein, pour ceux qui s'en souviendraient, c'est lui qui a remplacé Finkielkraut à la chaire de philosophie de Polytechnique. Bref. C'est un historien des sciences et on a réfléchi avec lui à la notion d'accélération, justement. Et pour lui, c'est vraiment une interrogation, comme disent les philosophes, ontologique. C'est vraiment la question qui se pose aujourd'hui, parce qu'il se demande à quoi désormais rime cette accélération extraordinaire qu'on note depuis quand même la modernité, c'est-à-dire depuis que Newton a vu tomber une pomme, le monde s'est mis en mouvement et le mouvement est devenu facteur de changement, alors qu'avant c'était plutôt la stabilité qui était recherché, mais avant il y avait quand même l'idée de progrès, c'est-à-dire qu'il y avait une idée d'amélioration de la condition humaine normalement, et aujourd'hui on prononce plus ce mot. Cette accélération extraordinaire a fait place à un autre mot qui est celle d'innovation, et c'est pas la même chose, c'est-à-dire que désormais on peut vraiment se demander vers quoi court l'humanité. Parce que c'est presque l'innovation pour l'innovation, la nouveauté pour la nouveauté. Et Michael Fessel s'interroge sur cette course en se demandant si on ne va pas courir directement à notre perte. Alors, oui, il s'interroge sur le fait que cette accélération, cette course à l'innovation risque d'assujettir nos sociétés à l'impératif de croissance. Et donc, c'est poser la question finalement de savoir si en un demi-siècle, 40, 70 ans, si la science ne s'est pas libéralisée, Cécile Lestienne, est-ce que la science ne s'est pas convertie avec le reste de la société à une certaine forme de course en avant, d'économie de marché, de course à la consommation énergétique ? Jusqu'à un certain point, oui, parce que comme je le disais tout à l'heure, je pense vraiment que les sciences sont dans la société et pas à part de la société, donc elles participent du mouvement général, ça c'est absolument sûr. Je pense qu'il reste quand même une part dans la science de recherche, de la recherche pour la recherche, de la curiosité pour la curiosité, de faire avancer le savoir et la connaissance qui reste très fort, qui est une motivation très forte chez les chercheurs. Mmh. Et c'est assez bien. C'est vrai que c'est intéressant ce glissement de progrès à innovation, comme si le progrès était devenu tout d'un coup mal vu. Probablement aussi parce que effectivement, avec tout ce développement, on va parler de développement, de plus en plus de questions éthiques, sociétales se posent. Mais moi, je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est justement intéressant qu'on puisse à la fois chercher, progresser, etc., et se poser des questions sur qu'est-ce qu'on fait avec tout ça. Et en même temps, on a souvent parlé autour de cette table du vendredi de la difficulté des chercheurs aujourd'hui à travailler longtemps en recherche fondamentale, à ne pas être pressurisés pour trouver des financements, pour trouver des applications à leurs travaux. Il y a tout de même là, effectivement, quelque chose d'un peu problématique dans cette accélération, Carole. Oui, la difficulté, c'est la finalité de tout ça. C'est-à-dire que dans le mot innovation, on sent bien qu'il n'y a pas le caractère collectif de dessein commun qu'il y avait dans Progrès. Hein. On sent que la science a peut-être perdu cette perspective. Ce que dit Michael Fessel, c'est une sorte... Alors, ça n'est pas pessimiste comme vision, c'est juste un avertissement à nous dire, par exemple, que va-t-on faire avec l'intelligence artificielle ? L'accélération, ça veut dire aussi que on nous le vend en nous disant que c'est du temps libre, qu'avec tout ça, on a comme la technique nous permet de faire autre chose. Mais non, parce qu'en fait, on nous remplit ce temps. On connaît tout ça avec les mails. On en a de plus en plus. Ça envahit notre zone privée. Donc, il faut vraiment qu'on repense à l'utilité de ces innovations techniques. Et surtout maintenant que l'homme a le pouvoir depuis l'énergie nucléaire, évidemment, à sa perte dans ses mains. Et maintenant aussi avec l'intelligence artificielle. Cécile, sur le pessimisme, alors si je redis pessimisme, je vais encore me faire taper dessus par nos auditeurs, parce qu'on a fait hier une émission autour de l'effondrement systémique qui nous guette, et ça a suscité beaucoup de passion et beaucoup de réactions. Néanmoins, on faisait une autre émission il y a peu de temps aux Rencontres de l'Histoire de Blois consacrée à la notion de révolution scientifique, et sortait de cette émission l'idée tout de même que, en termes de révolution paradigmatique des sciences, depuis Einstein, eh bien, on a affiné, on a découvert d'autres champs, on a pu mieux cerner un certain nombre de qualités ou de définitions du réel, mais qu'en termes de révolution de recherche fondamentale, de pensée théorique, eh bien, il n'y avait pas grand-chose depuis la relativité, la mécanique quantique, quoi. Dans les domaines de la physique, certainement. Mais je suis pas sûre qu'on pourrait dire autant dans d'autres domaines des sciences, notamment de la biologie. Je sais pas ce que vous en pensez, Tania, mais quand même, je trouve que justement toute cette saga de la génétique, notamment, a totalement changé notre vision de nous-mêmes. Alors pour revenir au microbiote dont on parlait tout à l'heure, par exemple, qui est connu depuis effectivement Pasteur, mais cette idée que tout d'un coup, nous-mêmes, ça questionne même notre propre identité. Nous sommes un être chimère. Nous vivons avec des millions et des millions de bactéries qui font partie de nous et qui modifient nos propres comportements. Donc, c'est quand même des vraies révolutions. Tania, qu'est-ce que... C'est intéressant parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, j'écoute ce que vous dites avec mon point de vue de biologiste cellulaire et moléculaire. Mm-hmm. Et la biologie moléculaire, c'est pour ainsi dire une discipline qui n'existait pas il y a un siècle. La découverte de la structure de l'ADN, c'est 1953, pour replacer le contexte. Et aujourd'hui, on en est à CRISPR-Cas9. Mmh. Donc il y a eu des progrès fulgurants qui illustrent exactement cette difficulté de placer la limite entre progrès et risque, avec par exemple CRISPR qui d'un côté offre des perspectives fantastiques pour les thérapies géniques et de l'autre côté peut ouvrir vers des dérives eugénistes. Là, je pense qu'on est dans le ciel de la biologie cellulaire et moléculaire, vraiment, et qu'on peut trouver à travers ces exemples-là de quoi illustrer toutes les problématiques que vous avez évoquées depuis 15-20 minutes. Et puis on va renvoyer les auditeurs, puisque l'heure file à ces deux numéros, les 70 découvertes qui ont changé la vie de Science et Avenir, les 40 ans de découvertes avec d'autres rédacteurs en chef prestigieux, Cédric Villani, Étienne Klein, le camarade Étienne Klein, Jean-Claude Amezen, Valérie Masson-Delmotte, elle aussi, qui fait partie des deux numéros. Vous aurez deux Valérie Masson-Delmotte pour le prix d'une, et Gérald Bronner. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et parce qu'une bonne table ronde d'actualité des sciences n'est pas une bonne table ronde sans un peu d'actualité des sciences et de virologie, Tania, vous nous parlez précisément d'une étude récente qui lève un voile sur les mécanismes du virus Zika. Oui, bah alors pour replacer le contexte, le virus Zika a été identifié il y a 70 ans, puisqu'on en parlait, hein, donc en 1947, dans une forêt ougandaise, dont il tire son nom, parce que les virologues sont toujours très originaux pour dénommer les virus. Et en fait, du coup, c'est un virus qui infecte l'homme depuis des décennies, et qui infectait l'homme avec très peu de symptômes, c'est-à-dire que seuls 20% des patients avaient des symptômes, et c'était des symptômes pas très graves, on va dire des symptômes grippaux, plus ou moins, mais du coup pas très caractéristiques non plus, essentiellement en Afrique. Et ce virus s'est aussi déplacé en Asie et on a commencé à avoir des vraies épidémies à partir de 2007, donc il y a seulement 10 ans, qui inquiétaient pas plus les gens que ça, parce que certes, il y avait plus de cas répertoriés, mais ça restait sur des symptômes très modérés et qui touchaient une minorité des patients. Jusqu'en 2013, donc où il y a eu une première épidémie en Polynésie française, où on s'est rendu compte a posteriori qu'elle était associée à des symptômes plus graves, notamment des cas de syndrome de Guillain-Barré, qui est une maladie auto-immune qui attaque le système nerveux, donc qui en général n'est pas très grave et conduit à des rémissions, mais qui peut aussi toucher notamment tout ce qui est système respiratoire et qui à ce moment-là peut avoir des conséquences très graves, voire entraîner le décès. Et on s'est beaucoup mis à parler de Zika en 2015, quand il y a eu la fameuse épidémie au Brésil, juste avant les JO, qui en plus allait attirer plein de monde dans le pays, et où en plus de ces cas de syndrome de Guillain-Barré, on a observé des microcéphalies congénitales, donc chez les nouveau-nés dont les mères, pendant leur grossesse, avaient été infectées par Zika. Et un taux nettement plus élevé que le taux naturel, hein, parce qu'on parlait notamment de 58 cas dans l'état de Pernambuco, 58 cas en un seul mois, donc avec un taux drastiquement plus élevé que les taux normaux. Oui, c'est comme ça que ça a été repéré, c'est qu'il y a eu une anomalie dans le nombre de microcéphalies, et les chercheurs ont essayé de comprendre d'où ça venait, ils se sont rendus compte qu'il y avait une corrélation, puis une causalité avec Zika. Donc c'est un virus qu'on connaît depuis 70 ans, qui provoque des épidémies depuis une dizaine d'années, mais dont on s'est aperçu qu'il devenait grave il y a entre 3 et 4 ans. Donc c'est vraiment très récent. Et évidemment, les chercheurs ont essayé de comprendre pourquoi. Pourquoi un virus qui était là depuis 70 ans sans poser de gros soucis est devenu d'un coup un vrai problème de santé mondiale, puisque ça a été déclaré comme une menace par l'OMS pendant l'épidémie au Brésil. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec les moyens dont on bénéficie quand on veut savoir ce qui se passe avec un virus? On séquence les génomes des différentes souches qu'on a pu récupérer aux différents moments et aux différents endroits de l'épidémie. Et il s'avère qu'en fait, pour Zika, on peut classer les virus qui existent en deux grandes catégories. On va dire les souches africaines qui causent des syndromes, des symptômes légers, et les souches qu'on va dire plutôt asiatiques, même si c'est faux, hein, puisque bon, concrètement, on les trouve au Brésil, mais historiquement, dans l'évolution de Zika, on parle de souches asiatiques, qui sont des souches vraiment épidémiques qui causent ces fameux syndromes de Guillain-Barré et microcéphalie congénitale. Et donc récemment, il y a une étude qui est sortie dans Science, où des chercheurs ont comparé les génomes de différentes souches, ont trouvé une mutation qui, miraculeusement, n'apparaissait que dans les souches très virulentes, et se sont rendus compte que si on rajoutait cette mutation-là dans les souches ancestrales qui ne causaient pas de gros symptômes, cela provoquait des microcéphalies chez les souris. Donc c'est quelque chose qui a beaucoup fait parler dans la presse scientifique récemment. L'étude est toute récente, elle date de fin septembre. Oui, oui, c'est vraiment très récent. Alors, effectivement, les résultats sont frappants. Quand on regarde les figures, il y a des gros écarts. Après, moi, je suis toujours un peu prudente parce que d'une part, c'est une seule étude. Donc la première étape, ce serait qu'elle soit reproduite. Et d'autre part, comme je ne suis pas spécialiste de Zika, je suis allée discuter avec une doctorante qui s'appelle Sandra Boss, qui travaille précisément sur ce sujet-là de comment Zika a évolué pour devenir plus virulent récemment. Et qui m'expliquait que le modèle murin, donc les souris que les chercheurs utilisent pour étudier la virulence de Zika, est très complexe, dans la mesure où si on prend les bonnes souris, on peut induire des microcéphalies avec n'importe quelle souche de virus. D'accord. Et donc il faut être un peu prudent par rapport au modèle qui a été utilisé dans cette étude, notamment parce que les virus ont été injectés directement dans les cerveaux des souriçons. Donc tous les freins qui pourraient être liés au passage du virus au fœtus depuis la mère sont complètement court-circuités. Et par ailleurs, il y a quelque chose qui m'a surpris quand moi j'ai regardé les détails de l'étude, c'est qu'à aucun moment on ne compare ancienne souche, nouvelle souche et ancienne souche plus mutation. Il manque toujours une des deux références. Donc on ne peut pas dire que la mutation permet d'expliquer l'ampleur du phénomène parce qu'elle n'est jamais comparée avec les virus actuels. Donc c'est quelque chose de très intéressant parce que ça explique quand même vraisemblablement une partie du phénomène. mais à prendre avec des pincettes par rapport à tout ce qu'on a pu lire dans la presse ces derniers jours. Oui, bien sûr, c'est d'ailleurs avec évidemment non seulement des recoupements, peut-être d'autres études à faire. En tout cas, ce qui est indiscutable, c'est qu'il y a bien eu effectivement un effet de bascule qui est certainement daté aux alentours du début des années 2010. Il y a peut-être autre chose qui est intéressante toujours sur le virus Zika et qui est là relativement encourageant. Alors, ce sont des études qui sont un peu plus vieilles sur les points communs avec le virus de l'arbovirus de la dengue. Oui, effectivement. Donc, Zika appartient à la famille des arbovirus et le virus le plus proche, c'est le virus de la dengue. Donc, il y a pas mal de choses qu'on savait sur ce virus-là qui font progresser la recherche sur Zika, puisqu'on a commencé à s'y intéresser il y a moins de 5 ans et il y a déjà des candidats de vaccins. Donc, il n'y a pas du tout de traitement pour les flavivirus. On n'a pas de médicaments qui permettent de guérir. On soulage simplement les symptômes. Mais il y a beaucoup d'essais qui sont en cours pour faire des vaccins contre Zika. Alors après, c'est très compliqué parce que le vaccin contre la dengue a une particularité un peu dangereuse, qui est qu'il y a plusieurs souches de la dengue, et parfois si on vaccine contre une des souches et qu'on est ensuite infecté par une autre, l'infection est plus virulente à cause du précédent vaccin. Et les scientifiques sont très prudents par rapport au vaccin pour Zika, parce que souvent Zika et la dengue sont présents dans les mêmes zones géographiques, et il ne faudrait pas que la vaccination à Zika aggrave les cas de dengue qui pourraient survenir ensuite. Donc c'est aussi pour ça que ça prend du temps de développer le vaccin alors qu'on avait des connaissances à la base, ce qui est un vrai risque de santé publique. Donc il faut vraiment faire des études et être sûr qu'il ne va pas y avoir de soucis ensuite. Mais pour conclure, le vrai risque avec Zika de santé publique, c'est évidemment les déplacements et la prolifération des moustiques type Aedes aegyptus qui sont les moustiques tigres. Alors il y a plusieurs moustiques qui sont vecteurs de Zika. Donc notamment ceux du genre Aedes. Aedes aegypti qu'on trouve plutôt, on va dire, dans les zones tropicales, et Aedes albopictus, le moustique tigre qu'on trouve chez nous. Qu'on trouve dans le sud de la France et qui remonte même d'ailleurs quasiment, on en trouve à Paris maintenant, en région parisienne. Ça, donc les vecteurs sont présents, ce qui veut dire que le virus peut se développer à peu près n'importe où. Et chez nous notamment, les populations ne sont pas du tout immunisées à ce genre de virus qui n'a pas déjà eu de présence en France métropolitaine. Donc si l'épidémie arrive jusque chez nous, il y a des chances pour qu'elle ait des grosses conséquences. Eh bien voilà encore une nouvelle réjouissante. Je vous renvoie à l'émission d'hier. Pour conclure, je ne vous renvoie pas trop à l'émission d'hier parce qu'on a déjà beaucoup parlé. Pour conclure, comme chaque jour, par un tour de table sur des actualités que vous auriez vues, des expositions, quelque chose dont on n'aurait pas parlé aujourd'hui, qui vous paraît intéressant, Cécile ? Pour rebondir sur ce qu'on a dit en général, on a une étude récente qui semblait expliquer pourquoi les femmes seraient plus généreuses que les hommes. Ah. Non, mais on a fait des efforts en première partie de l'émission pour démonter ces stéréotypes, Cécile, vous n'avez pas nous gâcher. Justement. C'est des études assez classiques, on fait jouer les participants à des jeux d'argent et on voit s'ils acceptent de partager, de redonner, etc. Ça, voilà. Et puis après, on les met dans l'IRM. Et, voilà. Et donc, effectivement, ils s'aperçoivent que chez les femmes, les comportements altruistes, les actions altruistes activent plus le circuit de la récompense que chez les hommes. Mais voilà, l'hypothèse de ces chercheurs, c'est que ce n'est pas du tout inné, ni génétique, ni ancré dans le cerveau, c'est juste une question d'éducation. Ça serait parce qu'on pousse tellement plus les petites filles à trouver de la gratification dans l'altruisme qu'elles développent ces capacités. Comme quoi, on peut aussi les développer chez les hommes. Et puis, comme quoi, on fait surtout des choses vraiment invraisemblables dans des IRM. J'y réfléchirai la prochaine fois que j'irai en passer. Hein, Carole. Oui, moi, je reviendrai juste sur quelque chose dont Tania a parlé tout à l'heure, qui est CRISPR, effectivement, qui est cet outil, ce ciseau, voilà, pour simplifier, ce ciseau moléculaire qui permet d'intervenir sur le génome. On n'a pas fini d'en entendre parler. C'est quelque chose dont chacun d'entre nous doit vraiment avoir conscience que c'est un outil qui est en train de révolutionner les laboratoires. Je dis ça parce que très peu, je crois que c'est hier ou avant-hier, une nouvelle étude est parue, mais cette fois sur CRISPR-Cas13, qui, si je ne me trompe pas, qui cette fois travaille sur l'ARN tout à fait. Qui est l'ADN messager, et qui permet de faire des interventions éphémère, si je puis dire. Parce qu'avec CRISPR-Cas9, quand on intervenait, c'était fini. Une fois qu'on avait le gène était édité, donc voilà. On ne pouvait pas revenir en arrière. Là, avec CRISPR-Cas13, on peut revenir en arrière. Et là, c'est un boulevard pour beaucoup d'autres interventions thérapeutiques. Tania ? Alors, dans un tout autre registre, je profite de ce micro pour lancer un appel à tous les chercheurs qui nous écoutent et qui aimeraient participer à partager la science, le processus de validation des connaissances, la façon dont on travaille dans un laboratoire et les métiers de la recherche auprès des lycéens. Mm-hmm. Parce que, bon, en vrai, YouTube ne me fait pas gagner ma vie, donc à côté, j'ai un travail. Et dans le cadre de ce travail, j'organise une action qui s'appelle Déclic, qui aura lieu entre fin novembre et mi-décembre, qui consiste à faire venir des équipes de recherche dans les laboratoires pour discuter directement avec des lycéens et partager votre passion et votre quotidien. Donc si ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus sur le site déclic2017.org. Les inscriptions sont ouvertes et je vous attends. Et on met tout ça, comme chaque jour, sur le fil Twitter de la méthode scientifique @laméthodefc, ainsi que sur notre page sur franceculture.fr. Merci beaucoup à toutes les trois. Merci Carole Châtelain, Cécile Lestienne. Donc je rappelle, hein, 40 ans de découverte pour la science, les 70 découvertes qui ont changé la vie. Science et avenir. Et Tania, la dernière vidéo de Biologie qu'on tout compris, ou la prochaine Une pour le Téléthon, normalement, si tout va bien. Eh bien, on regardera ça avec intérêt. Et évidemment, on remet le lien vers votre chaîne sur notre fil Twitter. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Hugo Bartholomeï, Eve Etienne, Noémie Naguette-Saint-Vulfran, Céline Lezen, Antoine Beauchamp, Elisabeth Miro à la réalisation, Bruno Gagnère-Fontani à la technique, Elisabeth Gornescoto au droit d'auteur. La suite de vos aventures sur France Culture, la suite de cette journée spéciale consacrée au rapport homme-femme, dans le club du grain à moudre, Hervé Gardette se posera la question suivante à son club et à ses invités du vendredi. Après l'affaire Weinstein, rien ne sera plus jamais comme avant, point d'interrogation. C'est ce qu'on souhaite. Dans quelques instants, le magazine de la rédaction Tunisie et Dieu créa la femme. C'est un magazine signé Nadine Epstein. Et puis on jette un coup d'œil, allez, rapide, à ce qu'on vous a préparé pour la semaine prochaine. Lundi, on parlera des oiseaux migrateurs. Mardi, des météorites à l'occasion de l'expo au Muséum d'Histoire Naturelle. Mercredi, après les tergiversations autour du glyphosate, nous nous demanderons si l'agronomie nous permettra un jour de cultiver sans pesticides. Jeudi, l'histoire du passage de l'alchimie à la chimie. Et vendredi, nous serons en direct et en public de Nantes et du Festival des Utopiales. Vous êtes les bienvenus pour une émission qui sera consacrée à l'espace-temps chez Lovecraft. Voilà, on se retrouve lundi à 16h jusqu'à preuve du contraire.